C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Sébastien Duluth nous racontera la suite de la vie de Vicky Gendreau dans Va voir ailleurs, j'y suis. Véronique Mire négociera une chronique sur la lettre N dans le Véronique Dictionnaire et Stéphanie Paradis nous fera la liste de ses petits bonheurs de la vie. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 25 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau s'en vient sûrement à un moment donné. On sait jamais avec lui, fait que j'avancerai rien. Je veux pas faire de promesses que je peux pas tenir. Aujourd'hui à l'émission, on va voir plus tard, à 8h, Véronique Mire et sa chronique Le Véronique Solaire. Elle nous parle de la lettre N en long et en large. Ça, le N, c'est comme un Z sur le côté. Ensuite de ça, à 8h30, Sébastien Duluth et sa chronique Va voir, j'y suis, son éditorial culturel depuis il y a deux semaines. En fait, il va faire trois chroniques là-dessus. C'est la deuxième sur Vicky Gendreau, une poète de Trois-Rivières qui est un petit peu, disons, décédée il y a quelques temps. Donc, on va entendre parler de ça. Ça va être un petit peu déprimant encore, mais bon, ça vaut la peine. Pour cette femme-là. À 9h, Stéphanie Paradis et sa chronique Les Petits Bonheurs. Je sais son sujet, mais elle veut pas le partager à l'avance. C'est vrai que ce soit une surprise, mais elle va nous parler des petits bonheurs d'un sujet précis. C'est intriguant. Par contre, pour débuter l'émission, et j'en ai pas encore parlé parce que elle est juste là devant moi, fait que bonjour. Allô, Ingrid. Bonjour. Ingrid Arneberg et sa chronique qui porte maintenant un nouveau nom. Elle a officiellement un nom. Comment ça s'appelle? La course au trésor. Parce que les petits enfants, ce sont... des petits trésors et les parents courent toujours. Et voilà, c'est comme la course autour du monde, mais si ton enfant s'appelle Simonde. Effectivement. C'est ça. Oh, ouais. Alors, on va commencer en musique, ça serait mieux. Donc, une petite chanson avant de débuter la chronique. Voici Caféine, une chanson qui porte le titre L'Orpheline. Tu sais? Ah, c'est thématique. Les enfants. Les enfants. Assemblage requis, bonne émission. Caffeine et l'orpheline à Assemblage requis. Fini de même. Effectivement, la guitare, c'est ça. Donc, vous avez entendu Ingrid Arneberg, on l'a présenté tantôt, mais là maintenant, c'est le moment de sa chronique officiellement véridique. Voici sa chronique La course au trésor. Salut Ingrid! Bon matin! Ça va? Oui, ça va très bien, je te remercie. Ben, c'est le fun de te recevoir et d'avoir un titre et une intro. La course au trésor, oui. C'est ce que tu as choisi. Effectivement. Ça veut dire qu'on court après ses enfants, puis les enfants sont... Oui, puis les enfants, c'est de l'amour, c'est des trésors, c'est... Et des fois, tu as envie de les mettre dans un coffre. Oui! Non, c'est pas ça. Un peu. Non, c'est mes amis qui m'en ont parlé, qui m'ont proposé le titre, en fait. C'est des mamans qui me l'ont suggéré. C'est génial. Et c'est, ouais. Ça de quoi elles parlent? Parce qu'elles en ont toutes. Est-ce que c'est commun chez les sages-femmes de vouloir ou d'avoir des enfants jeunes? Est-ce que j'ai vu, en tout cas, moi, avec mes yeux? Oui, mais il faut que tu saches que les filles qui étudient à l'UQTR, le noyau fort de ma cohorte, en tout cas, c'est 25-35. Okay. Donc, on est vraiment en âge de procréer. Puis c'est la fenêtre socialement acceptable, c'est 27-32. OK. Donc, c'est... Je ne savais pas qu'il y avait eu un chiffre là-dessus. Oui, socialement, c'est bien vu entre 27 et 32. Sinon, t'es trop jeune, sinon t'es trop vieille. Est-ce que c'est comme la formule mathématique pour un gars doit sortir avec une fille de quel âge? Faut que tu divises ton âge en... Non, ça, c'est... Sûrement. Ça. Aucune idée. J'ai jamais entendu parler. J'ai jamais respecté ça. Bon. Je suis avec mon cœur. C'est ça l'important. L'âge n'est qu'un chiffre. Effectivement. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'étudiants de sage-femme qui sont enceintes, mais tu vois, quand on est rentré, ma cohorte, on était 20 et à 20, on avait 24 enfants. Okay. Et wow. C'est la moitié qui avait des enfants. Okay. Et là, il y en a 3 enceintes dans ma cohorte. Fait que j'étais pas fou avec mes yeux tantôt. Non. J'allais dire parler de ça, mais parlant au contraire de ça, aujourd'hui, on parle de contraception. Oui, on parle de contraception. Ça veut dire pas de bébé, ça. Et ça veut dire... 97% de chances de ne pas avoir le bébé. La contraception, c'est plus que ça. OK. C'est vraiment plus que ça. Mais justement, c'est le fun de voir que pour toi, la contraception, c'est pas de bébé. Ouais, dans ma tête, c'était la définition même du mot, mais finalement, ça doit pas être ça. Mais c'est plus que ça. Il y a pas de bébé, mais il y a autre chose aussi. Mais pour toi, la contraception, c'est une histoire de femme, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de... Une histoire de couple. De couple, c'est une bonne idée. Tout d'abord. Ouais. C'est bon, ça. Ben, j'aimerais bien que ce soit une chose... Ben, il faut que ce soit égal, évidemment, mais c'est souvent les gars qui vont majoritairement se protéger de nos jours encore. Pourtant, il y a des façons pour les femmes de se protéger. Ben, c'est sûr que là, on parle... Si on inclut la pilule et tout ça là-dedans, c'est sûr que les femmes font aussi leur job. Mais il n'y a pas de... C'est pas encore assez répandu, je trouve, le condom de femme. Ben, il existe. Oui, ça existe, mais c'est pas répandu. OK. Ouais. Non, effectivement, les femmes vont privilégier des modes plus hormonaux, puis les gars, c'est physique, en fait. Exact. C'est complètement physique. Nous, ça change pas notre corps du tout de prendre des condoms. Ça change la sensation. Apparemment, tous les gars me disent ça. Mais c'est ça, ça me fait bien rire, ça. Mais non, la contraception, c'est deux choses. C'est la prévention des ITS. ITS, c'est MTS, c'est maladie vénérienne. Oui. OK, et c'est la même chose. Les ITS, c'est des infections transmises sexuellement. Vaut mieux parler d'infection parce que si tu attends de traiter la maladie, souvent, il est tard. Et c'est également prévenir les grossesses non désirées. Mm. Donc, la contraception, ça englobe autant les ITS que les grossesses qui sont non désirées. Puis, dans les deux cas, il faut toujours mieux prévenir que guérir. Vrai. Effectivement. Fait que, en fait, aujourd'hui, je parle de contraception, mais c'est surtout d'une sexualité qui est protégée. Ça va, ce que ça nous égale, cette chose-là, parler de sexualité protégée, c'est éviter l'échange de sang ou de liquide biologique. Bref, c'est ça la grosse... Le jus. On oui, évite en le fait, jus. Le principal de sexualité protégée, c'est t'évites les échanges de sang ou de liquide biologique, ce qui va te prévenir des ITS et des grossesses. Oui. Ouais. Donc, il existe comme 5 méthodes de contraception. T'as parlé de la pilule, ouais, qui est la pilule ou les autres méthodes hormonales. Les méthodes barrières, quand tu parles du condom, c'est une méthode barrière. T'as les méthodes chirurgicales. Qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est les trompes de Fallope et le chopping du bloc, chopping block. Oui, on parle de ligature des trompes et de la vasectomie. C'est ça. Oui, les méthodes naturelles, l'abstinence. Oui, l'abstinence, c'en est une. Tu peux en effet pas avoir de bébé à moins d'être marié. Et de ne pas te transmettre des trucs, là. C'est ça. Et le retrait ou la méthode symptothermique, là. La deuxième, je sais pas. C'est juste au moment du coït, tu te retires avant. Ouais, le pull-out, là, qu'on appelle. Le pull-out, se retirer avant se retirer. OK. Avant l'éjaculation, on va le dire. Et il y a les méthodes intra-utérines. Okay. Je sais pas si tu sais c'est quoi les méthodes intra-utérines. On parle de dispositifs intra-utérins ou du système intra-utérin. Stérile aux hormones ou sans hormones. Oui. Tu vois, c'est les grands noms mêlent, mais finalement, on connaît tous ça. Ben oui, on connaît tous ça. Puis dans la pilule, les méthodes barrières, t'es-tu capable de m'en nommer deux? Sûrement pas, en fait. Ben, essaye. Attends, répète-moi la question. Dans la pilule ou autre méthode hormonale, qu'est-ce que t'es capable de me nommer, là, comme que tu connais, là, que t'as entendu parler? Des noms de marques de pilules, non? Non, pas des noms de marques. Il y a comme six trucs qui font partie de la pilule ou méthode hormonale en tant que... Tu me perds, mais complètement. J'aimerais ça participer à ton quiz, mais tu me perds. Si, ben, il y a la pilule contraceptive. Ça, tu l'avais. Oui, ça, c'est ça, c'est sûr. Il y a le timbre transdermique. T'as-tu déjà vu ça? C'est comme une patch pour que tu peux utiliser là, que quand tu fumes pour arrêter de fumer. Mais c'est la même chose, mais c'est au niveau hormonal. OK. Intéressant. J'ai jamais entendu parler de ça. Oui, tu la changes à toutes les semaines, puis tu peux la cacher dans ta bobette. Là. Faut pas t'en mettre plusieurs. Il y en a qui font ça avec la patch de cigarette. Non. Non, t'en mets un. De l'anneau vaginal, le nuvaring, peut-être. Oui, on voit les publicités de ça à la télé aux États-Unis, en tout cas, je sais pas au Québec, là, mais c'est spécial comme méthode, il me semble. Mm. Une petite bague, une genre d'anneau que tu insères dans le... Oui, en silicone, puis que tu insères dans le vagin, puis il va venir se mettre autour du col. Oui. Donc, les gars, je ne sens pas, des fois, il peut avoir des petites surprises, genre, monsieur se retire. Reste... Ah. Monsieur se retire, et oh, il y a une décoration autour de son pénis. Tu gagnes un prix! big ça winner! Ça arrive! Mais c'est bien, bien rare, là. Okay. Et tu le changes aux 3 semaines. OK. Est-ce que tu peux prendre ça sur une longue durée toute ta vie? Oui, oui. Ouais, OK. Mais il faut que ça... Dans tous les cas, il faut que ça te convienne. Moi, mauvaise expérience. OK. Pas capable de prendre ça. La pilule progestative. Non. Peut-être, c'est quoi? C'est la pilule micronor, qui est souvent connue. Là. La pilule micronor, c'est que c'est juste des progestatifs. Souvent, c'est estrogène et progestérone. La pilule progestative, c'est juste la progestérone qui est compatible avec l'allaitement, mais c'est une pilule qu'il faut que tu prennes à la même heure tous les jours. Manque pas ton heure. Elle est très sensible, mais c'est une qui est réduite en hormones. Okay. Mais ça, justement, parlant de la prendre à chaque jour, la pilule normale, mettons, standard, ça aussi, il faut que tu la prennes à chaque heure, non? Faut que tu la prennes à chaque jour, à la même heure. Idéalement. OK. Si tu peux te permettre un délai de 3 heures. 3 heures. Un peu plus. Ça dépend de la pilule. Faut que tu vois avec le fabricant. OK. Il y en a qui tolèrent plus. Parce que souvent, comme tu as de la progestérone et de l'estrogène, c'est un dosage qui est plus fort. Donc, tu peux te permettre ça. Okay. Puis, il y en a la pilule contraceptive. Il y en a. Vraiment. Puis, en tout cas, juste ma copine a changé de marque plusieurs fois. Là, puis, c'est même pas elle qui choisit de changer de marque. Souvent, la marque est soit plus faite ou le pharmacien lui dit c'est rendu celle-là. Puis, c'est plus la même chose. Mais bon, bizarre. Ouais. Puis, sais, tu peux la prendre en continu, comme oui. tu peux ne pas la prendre en continu. Ça a des conséquences d'un bord et de l'autre, là, je pense. En tout cas, ouais, je connais rien. Ben, si tu la prends en continu, t'as plus de menstruation. Okay. Si tu la prends pas en continu, t'as tes règles, pareil. Okay. Mais c'est, en fait, c'est pas mauvais de la prendre en continu. C'est correct de pas avoir ses règles aussi. C'est un choix personnel. Okay. Il y en a qui aiment juste pas ça. Là. C'est bon à savoir. Moi, ça me rassure. Moi, je me sens femme quand j'ai mon menstruation, oui, personnellement. Ça doit être bon pour le corps aussi d'évacuer les choses, ça, non? Non, parce que tu vois, ben oui, c'est bon. Okay. Je veux dire, garde pas ça. Là. Mais... garde pas ça. Ah oui, lâche-toi. Mais tu vois, les pilules, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont inhiber la production. Ils vont comme s'arranger pour pas que t'ailles... En fait, t'auras pas tes menstruations parce qu'ils vont comme... dans le cycle hormonal là, qui est relativement complexe, de 4 hormones qui sont précisément là, dont la progestérone et l'estrogène, mais ils vont juste éviter une étape. Fait que c'est comme elle se rebalance elle-même. Fait que c'est correct que tu sois pas menstruée. Okay. Tu vas juste inhiber un truc, ton endomètre va juste pas s'épaissir, tu sais. C'est un peu complexe. Non, c'est bon, mais j'imagine que tu pensais pas avoir à expliquer le cycle menstruel au complet. Non, un gars matin. Vrai. Hey, ça a vraiment été compliqué de l'apprendre, ouais. Hormonalement. Tu là, c'est bien. Compliqué. Okay. Mais au moins tu t'as compris, c'est comprends. Bon. Dans les contraceptifs aussi, avec la pilule ou méthode hormonale, t'as le contraceptif injectable, le dépôt Proveron. OK, que c'est une piqûre qui est bonne pendant 10 à 13 semaines, que tu vas faire aux 10 à 13 semaines. OK. Fait que c'est juste ça. C'est juste une piqûre. Et t'as l'implant aussi contraceptif que tu vas mettre en dessous du bras. C'est un petit bâtonnet comme en silicone là, qui va en dessous du bras. Très répandu en France. Ah oui? Ouais, pour avoir fait un stage dans une maternité française. C'est très, très répandu. Ouais, ouais. Dans les méthodes barrières, là, t'es capable de m'en nommer au moins deux. OK. Bon, le condom masculin, si on l'a dit. Le condom féminin, on sait que ça existe oui! aussi. Oui! C'est pas mal ça. Hein, t'as l'éponge? L'éponge, oui. L'éponge qui est rendue illégale, genre, non? Non. Aux États-Unis, ça n'a pas été retiré du marché. Il y a un épisode de Seinfeld. Ah, ça se peut. Ça se peut. Mm-hmm. J'étais pas au courant, mais merci. C'est vraiment... C'est mais on peut encore se procurer ça au Québec. Oui, apparemment. Okay. Ben oui, là, moi, je suis sur mes données de Au-delà du plaisir. La deuxième édition, c'est le guide canadien sur la contraception qui est fait par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. OK. Donc, voilà. Assez fiable, ça. Oui, oui. Puis c'est très convivial. C'est fait pour pas nécessairement les professionnels de la santé. Là. Donc, vraiment, là, n'importe qui peut le lire. C'est vraiment bien. Il parle autant des ITS que des différentes méthodes contraceptives qui sont expliquées en long et en large. Donc, tu as vraiment beaucoup d'informations qui est très bien faite. Donc, en plus de l'éponge contraceptive, tu as le diaphragme. OK. Tu as la cape cervicale qui est un peu plus grande. Okay. Tu peux la laisser plus longtemps aussi. Mais ça, encore une fois, là, on parle de condom pour femme, éponge contraceptive, diaphragme, cape cervicale et spermicide, c'est chez la femme. Là. Ça va chez la femme. Le dernier, c'était spermicide. Fait que c'est souvent une histoire de contraception. C'est très féminin, mais c'est une décision à deux. Et souvent, c'est bien jumelé. Les deux peuvent faire leur part là-dedans. Oui, parce que oui, la pilule te protège d'une grossesse qui est non désirée, mais aucunement des ITS. C'est ça. Donc, c'est bien des fois d'avoir les deux. Question de confiance. Deux. Ça dépend si le couple dure depuis longtemps. Il y a plein de facteurs là-dedans. Puis, tu sais, souvent, si tu veux faire sauter le condom de tes relations sexuelles, va te faire dépister. Oui. Puis vraiment, ton partenaire aussi. Juste au cas, ça se pourrait que tu sois né avec quelque chose aussi. Là, j'imagine, là, je dis n'importe quoi, mais peut-être que l'un ou l'autre ne saurait pas qu'il est infecté de quelque chose. Il y a des maladies qui sont transmissibles, mais c'est toujours important. Le moindrement que tu as eu un ou deux partenaires, parce qu'il y a des maladies qui incubent. OK. Donc, ça peut un temps d'incubation. Souvent, c'est un avantage pour l'homme, ce qui est très plaisant pour la femme. Oh, elle me regarde avec un regard là, violent. Ben, c'est juste que vous avez un système urinaire qui est primaire. Ouais. Et nous autres, il est plus complexe, il est plus évolué. Mais bon, gars, on est meilleurs. Non, c'est vrai parce que vous faites pipi par le même trou que vous éjaculez. Mm-hmm. Bon. Ouais, ouais. Et c'est que ça permet de nettoyer le conduit. Vous êtes moins porteur de maladies comme ça. C'est logique. Et les femmes, oui, elles sont plus atteintes plus facilement. T'sais, pense juste aux mycoses, lorsqu'on parle des infections à levure, là, les vaginites. Je suis sûre que tu as plein d'amis qui ont eu des millions de vaginites. Puis tout le monde peut t'en parler en long et en large. Comment c'est pas agréable. C'est drôle comment personne le fait, mais peut-être qu'ils pourraient m'en parler. Mais dans les cercles de femmes, ça se parle. Ça se peut, ça, c'est ça. Ils gardent ça pour eux autres. Mais souvent, on est comme... Mais tu vois, souvent, un homme peut être porteur de la vaginite, qui est un champignon. mais vous n'avez pas les symptômes physiques. Donc, vous êtes souvent des porteurs sains. Et dans plusieurs maladies comme ça, vous êtes des porteurs sains. Wow. Fait que vous n'avez pas les symptômes et vous ne faites qu'infecter votre partenaire. Okay. On va voir ça beaucoup dans les vaginites. Là. La fille, elle en fait 2, 3, 4. Puis là, t'es comme, ben voyons. Je suis avec le même partenaire, je fais attention. Je veux dire, et c'est lui qui retransmet. Fait que tu vois, quand je faisais la blague, je suis sur mes SPM ou je suis en ménopause, je fais souvent cette blague-là, puis les gens me disent, est-ce qu'un homme, ça n'a pas de ménopause? Dedans, je suis comme, je suis calme. Andropause. Ouais, je sais, mais c'est ce que les gens me répondent. Les gens, c'est une andropause. Je sais, c'est une joke, man. Mais je vais pouvoir dire, hey, j'ai une vaginite. Maintenant, ça peut s'ajuster, mais c'est pas vraiment ton avantage parce que ça, c'est vrai. Ah, maudit, je vais faire attention dehors de ne pas en avoir une pour pouvoir faire la blague. Effectivement. Je vais continuer avec mes SPM. Ouais. Cool. C'est bien les SPM, c'est vraiment bien. Ouais. T'as l'air trouver ça. Mais ça te va bien, les SPM et tout. Mais c'est vraiment, il y a différentes méthodes. Comme il faut toujours choisir celle qui nous convient le plus. Dans le fond, renseignez-vous. Le mieux là, dans votre vie, là, c'est de vous renseigner. Lisez, allez chercher de l'information. Souvent, votre médecin, il n'y a pas beaucoup de temps ou vous n'en avez pas. Et tout simplement, il y a combien de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille? Ouais, non, c'est ça, j'en ai pas. Avoir un test PAP, c'est tellement compliqué pour une fille par année quand tu n'as pas de médecin de famille. C'est le bordel. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là de te renseigner. Puis quand tu y vas, écoute, moi, j'ai vraiment lu, je suis vraiment intéressée à je veux cette méthode contraceptive-là. Ça marche ou ça marche pas? Ouais. Après ça, c'est des essais-erreurs. C'est ça. C'est sûr que c'est plus difficile à essayer des trucs que tu vas t'insérer parce que des fois, il va falloir que tu gardes un certain. On va parler du stérilet. Ouais. Le stérilet, c'est pas complètement remboursé au Québec. Ça revient. Mettons, ton stérilet, il coûte 350 $, il va être remboursé, tu vas payer 80. OK. Quand même cher, comme méthode contraceptive. Puis c'est à. Faut que tu ailles voir un médecin. Ça peut être juste un médecin ou un gynécologue qui te le met. Là, est-ce que tu prends cela au cuivre ou est-ce que tu prends cela... Ça dépend de ton anniversaire de mariage. Là, tu prends l'acier en cuivre. Non, mais t'as le cuivre ou t'as l'hormonal. Okay. Fait que là, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu sais? Avant. Oui, puis est-ce qu'il est disponible à la pharmacie aussi? Moi, j'ai une amie, elle a couru Québec au complet pour se trouver un stérilet en cuivre. C'est ridicule. Mm. Donc, c'est vraiment de farfouiller, de se renseigner, de lire, de voir qu'est-ce qui nous convient le plus. Et par rapport à ça, j'ai des petites statistiques. Tu vois, la pilule puis les méthodes hormonales, c'est 34% des Canadiens qui l'utilisent. OK. Ben, Canadienne. Après ça, tu vas voir 22% pour les méthodes barrières. Condom et autres. Après ça, pour les méthodes chirurgicales, elles arrivent au deuxième rang. Vraiment. Il n'y a pas de pourcentage en tant que tel, mais c'est le deuxième rang. Là. Fait qu'on parle beaucoup de... Ce qu'on voit beaucoup, c'est la vasectomie. Et pourquoi? Parce que c'est moins invasif que la ligature des trompes. OK. Ouais. Et irréversible. Oui, mais tu vois, la ligature, ça peut être réversible quand tu as essure. Essure, c'est comme une espèce de petit ressort qu'ils mettent dans la trompe. OK. Mais quand tu as une cautérisation, c'est coupé, brûlé, là. Fait que c'est dur de rabouter. T'as vraiment deux petites cicatrices. Une ligation, c'est vraiment comme on fait un nœud. On met un fil, puis okay. on met un nœud. Tu peux avoir des pinces aussi. OK. Donc, t'as des pinces qui restent là. Des étaux. Oui, genre. Mais en tout petit. Parce que c'est quand même petit, un ovaire. Là. Un ovaire, c'est plus petit qu'un œuf. OK. Donc, j'ai pas su ma biologie, ça paraît. Donc, on voit. Oui, ça paraît. Ouais. Mais tu vois, c'est très invasif parce que nécessairement, il faut aller en anesthésie générale. Il faut aller où local. Il faut aller. Chirurgical pour l'homme, c'est beaucoup moins invasif parce qu'il est debout, là, quasiment. Ça se fait chop-chop. C'est très, très rapide. La femme, il faut qu'elle se couche. Ça prend tellement de salle d'opération. Ça prend un gynécologue. Et il y a du monde à la messe. Oui, tu sais, c'est plus aussi coûteux pour le système de santé, beaucoup moins réversible et tout. Fait qu'il ne sera pas conseillé par le médecin très, très souvent. Pense-y. Parce que c'est cher. Ouais, OK. Puis souvent, les femmes qui le veulent à 32 ans, elles vont vraiment... Puis c'est une méthode de stérilisation. Mmh. On parle, tu es c'est stérile. C'est pour toujours, là. Tu n'auras pas d'enfant. Oui. Il faut vraiment que tu y penses, là. Il faut vraiment que... pense-y, là, tu es encore en âge de procréer. Peut-être que tu n'as plus avec ton conjoint, mais tu sais... Ouais. Fait qu'ils vont vraiment... Si t'as eu 2, 3 enfants, là, ils vont être moins agaçants. Mm-hmm. Mais si t'en as jamais eu ou t'en as eu un, là, c'est... Fais juste te protéger, puis tu vas être correct. T'es pas obligé de te... Ouais, mais il y en a des femmes qui ne veulent pas avoir à penser à ça. La pilule, ça correspond pas à tout le monde. J'avoue. Tu sais, il y a des gros scandales au niveau des embolies pulmonaires, des AVC et tout, à des femmes à très, très bas âge. Et effectivement, ça arrive. Fait qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps quand on prend une méthode contraceptive. Tu deviens dépressive, là, puis tu l'étais pas du tout avant. Signal d'alarme! Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je m'en rends compte. Là, j'ai essayé différents trucs, puis ça marche pas. Ma pilule, elle est vraiment contestée en ce moment, presque retirée du marché, mais elle marche bien sur moi. Fait que tu sais, t'en achètes une caisse, puis... Qu'est-ce que tu veux faire? tu subis. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça. Les méthodes naturelles, c'est utilisé par combien de personnes? Les méthodes naturelles, je te rappelle, c'est abstinence, retrait et détermination de la période de fertilité, là, le calendrier, le symptothermique. Ça inclut les États-Unis, ça? Ça inclut le Canada. Juste le Canada, OK. Parce qu'aux États-Unis, ça a peut-être été plus élevé, tu sais, la méthode religieuse. Je sais pas, 25%. 8. C'est 8%. OK. Mais tu vois, la méthode de détermination de la période de fertilité, tu vas l'avoir beaucoup chez des femmes qui, justement, sont en projet de procréation. Donc, tu sais, t'as le calendrier là sur le frigo, fait que monsieur sait c'est quoi les périodes fertiles et tout. Ça peut être très intéressant familialement. Ça peut. Mais c'est très restreignant, cette méthode-là. Je sais pas si tu sais ce que ça comprend, là. Plus ou moins, mais c'est d'avoir des relations seulement les quelques jours dans le mois où t'es... Oui, en fait, il faut... Le calendrier. Oui, c'est vraiment abstinence totale. Ouais. Si tu veux que ça fonctionne, c'est abstinence totale. Si tu utilises le condom, ils disent que ce n'est plus efficace, la méthode septothermique. Ah. Ouais. Il faut vraiment que tu sois abstinence totale. Et c'est la femme qui prend certains paramètres tous les matins. Donc, quand tu te réveilles, tu as une demi-heure pour prendre ta température au niveau vaginal. C'est trop bon, OK. Ouais. Et après ça, tu vérifies l'état de tes glaires. Donc, tu rentres un doigt, puis ça a l'air de quoi, OK. C'est tacto. À peu près. Moi, c'est pas que j'ai fait ça avec mon doigt. C'est le désert, t'as le droit. Mais non, tu vas vraiment y aller au niveau physique. Là. OK. Voilà. Et voilà! Aïe, j'en ai appris des choses aujourd'hui, je pensais pas. C'est génial. La contraception, c'est dans la chronique La course au trésor d'Ingrid Arneberg. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Oui! C'est mercredi à 7h30. Oui! Environ. On va se quitter vu que ta chanson thème, c'est du MGMT et la pièce Kids. On va l'entendre, une pièce de leur nouvel album, pourquoi pas? Hein? On le fait pas jouer à C'est fou parce qu'on l'a pas reçu à C'est fou. Haha, indice. Voici Alien Days sur leur nouvel album. Tout de suite, 89.1 FM. Windows combine with the seas in a way that twitches on. Pick up the place where the spirit was slain. Hey, one foot leads to another. Nice full sleep, blue curtains, covers, sequins in the eyes. That's a fine time to dine. Divine who's circling, feeding the cost to the midwives. Love those alien days, the non-stop alien days. Ooh, the alien days. Crawling, next year planning, decades in the train. MGMT Management et Alien Days sur leur nouvel album, leur troisième, donc Assemblage Rookie. Il est 8h07 et c'est mon très grand plaisir d'accueillir Véronique Mire. Voici le Véronictionnaire. Bonjour tout le monde! Ça va bien, Véronique? Ça va, toi? Très, très bien. Aujourd'hui, c'est la lettre N qu'on est rendu. La lettre N. J'étais plus sûr, t'es rendu qu'on se voit 2 semaines. Oui, oui, oui. C'est difficile de garder le fil des lettres. Oui, ben en tout cas, on va s'en reparler, mais ouais, effectivement, je me suis constaté que la session s'enlignait pour être pas mal occupée. Je me suis dit, aux semaines, pour rendre justice à la chronique, c'était pas la meilleure idée. Mais aujourd'hui, ça tombe tellement bien parce que on est le 25 septembre. OK, oui, vrai. 25 septembre. Reportons-nous dans 3 mois. Dans octobre, novembre, décembre, les fêtes. Ouh, Noël. Ça sera Noël. Et Noël, c'est ma fête. Ça a été long. J'adore Noël. Et ben justement, puisque c'est la lettre N aujourd'hui, alors je peux vous parler un petit peu de Noël, mais pas beaucoup, là, juste un peu d'histoire et surtout la bûche de Noël sur laquelle j'ai appris des choses très intéressantes. Okay. Donc, en fait, Noël, qui date du 4e siècle, alors que l'empereur Constantin officialise la religion chrétienne, on choisit la date du 25 décembre pour lutter contre le paganisme. Okay. Parce que les Romains fêtaient les Saturnales, ça donnait lieu à des réjouissances quelque peu débridées du 17 au 24 décembre. Puis là, ben, on s'échangeait des cadeaux, des porte-bonheurs, des gâteaux, même qu'on décorait les foyers avec du lierre, des branches de houx, du gui et tout. Fait que ça ressemblait quand même un peu à Noël. Alors, l'Église, pour faciliter le passage des coutumes païennes aux coutumes chrétiennes, a décidé d'implanter Noël. Donc, c'est en 337, le pape Jules Ier qui a dit que lui, d'après lui, là, Jésus était né le 25 décembre. Hein, parce que, comme tout le monde le sait, là, Jésus n'est pas vraiment né le 25 décembre, mais bon... ça fit bien avec la petite histoire, ça. C'est ça, ouais. Exactement. En 506, le concile d'Agde, AGDE, en fait une obligation dogmatique. Donc, ça devient quelque chose de formel. Là. Noël, c'est le 25 décembre, pas tout le monde. En 529, l'empereur Justinien, qu'on aime beaucoup, l'a déclaré qu'un congé férié. Ah, ben ça, par exemple, ça, on dit oui à ça. On dit oui. Hey, ça date de 529, ouais, imagine-toi. Je sais pas s'il y avait vraiment congé dans ce temps-là, mais en tout cas. Au Moyen-Âge, en fait, dans ce temps-là... Tout dans ce temps-là, ça s'appelait la fête de la nativité. Il n'y avait pas encore, ça s'appelait pas Noël officiellement. Okay. C'est juste au Moyen-Âge où là, les gens, quand ils étaient très, très heureux, exclamation de joie, va savoir pourquoi, criaient Noël, Noël, Noël. Donc, c'est devenu Noël. OK. Ou pour les Français, Noël. Noël. Et oui. Donc, voilà. François d'Assise est le premier à fêter, ben, à faire ou à célébrer en 1223 la première messe de minuit. Et au 13e siècle, il y a les mystères. Ça, c'est des scènes vivantes qui rappelaient justement la nativité, la vie de Jésus, qui ont donné lieu aux... aux crèches. Aux crèches, voilà. Donc, les crèches qui d'abord étaient faites en porcelaine, en verre, dans les foyers des plus riches, et éventuellement, ben, en mie de pain. Okay. Mie de pain et argile. Une crèche mangeable avec de la petite salsa. C'est spécial quand même. Tu Jésus avec de la salsa. Oui, oui. Et puis, ben, plus récemment, en fait, la soirée du 24 décembre, nous, on la fête souvent en famille. Hein, les catholiques, bon, même qu'on soit pratiquant ouais, ou pas, là, on la fête en famille. Au Japon, eux, la fête plutôt en couple. Okay. Sauf si on a des enfants, ça va être vraiment une soirée passée qu'avec la famille. Famille rapprochée. Proche, exact. Donc voilà pour Noël. La bûche. Bûche. C'est super intéressant. Ben en fait, la bûche, au départ, c'était pas un gâteau. Hein? C'était vraiment une bûche de bois. Exact. Qui devait brûler de la veille de Noël jusqu'au jour de l'an. Dis donc, du 24 au jour premier. Exactement. Okay. Au Moyen Âge, c'est là que la coutume a commencé. Donc, la bûche devait être issue d'un bois dur, de préférence d'un arbre fruitier, qu'on devait couper avant le lever du soleil. Il y avait tout un rituel. On voit un peu le paganisme là, là-dedans ouais. encore. Ou sinon, ben, on peut utiliser un hêtre ou un chêne. Ça faisait l'affaire. Et ça doit brûler au moins 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça un tréfeu ou un tréfouet. Parce que ça durait 3 jours. La flambée devait purifier les humains des péchés qu'ils avaient accomplis pendant l'année. Et ça représentait la lumière du Christ de la naissance. La bûche avait aussi des vertus protectrices pour éloigner les mauvais esprits, même que quand on partait pour la messe, il y avait des fois un homme armé d'un fusil qui devait la protéger. Aïe! Je sais pas s'il y en avait peut-être qui jouaient des mauvais tours, là. Il allait éteindre la bûche ou je sais pas quoi. Fait que, il y a à manger. Il pourrait attaquer la bûche. La bûche. Ouais, c'est ça. Sur l'estomac un petit peu la bûche. Quand de bûche, même, hein? Mais si ça venait d'un arbre fruitier, c'est pas possible. Ah, peut-être. Edgar fruitier. Edgar fruitier. Puis il y avait plusieurs croyances. Donc, s'il y avait beaucoup d'étincelles, c'est que la moisson serait bonne. Si elle projetait des ombres sur le mur, on sait bien qu'un feu, ça projette jamais d'ombre sur le mur. Non. Ben ça voulait dire que quelqu'un dans la famille était pour mourir au courant de l'année. Jamais, il n'y a jamais personne qui est mort dans cette époque-là non plus. Ben non. C'est drôle là-dedans. Ben, dans ce temps-là, tout allait bien au Moyen-Âge. Toute la... En tout cas. Il n'y a pas d'ombre sur le mur. Non, non. Les tisons aussi, non, entièrement consommés, étaient gardés pour protéger de la foudre. Et les cendres, on les gardait pour protéger des maladies et protéger les hommes et les bêtes des accidents. Puis ben là, avec le temps, ben avec le poêle au gaz, l'arrivée des calorifères, la bûche était de plus en plus colorée, peinturée, etc. On s'est dit, ben tiens, pourquoi pas en faire un gâteau? Alors, c'est devenu pendant calorique, double calorique, donc la fameuse bûche en gâteau. Très bonne idée. La crème glacée avec du caramel. Oh, quand même, hein? Je parle beaucoup de bouffe dans mes chroniques. Oui, j'aime ça. Ensuite, bon, ben voilà pour Noël. Ça fut mon aparté. Je suis bien contente. Good. Le prix Nobel. Oui. N pour Nobel, donc inventé en 1901 pour récompenser les personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Inventé évidemment par Alfred Nobel, qui lui-même a inventé la dynamite. Oui, mais qu'il regrette depuis, ça. Qu'il regrette. Tu sais, c'est sûr que la dynamite, ça peut pas être pas dangereux. C'est ça. Il n'y a pas de bonne utilité, c'est genre vraiment. Spécial, ben, c'est peut-être pour ouvrir les grottes de roches. Oui. Mines, peut-être. Mmh, les portes des maisons barrées. Oui, mais ça. Bon, pas pour faire mal aux gens. Un dessin animé. OK. Inventeur de la dynamite. Les prix sont remis le 10 décembre de chaque année, mais en fait, la remise officielle des prix est le 10 décembre, mais on annonce les gagnants au mois d'octobre. OK. Ben, dans les domaines physique, chimie, physiologie, médecine, ensemble, là, physiologie ou médecine, littérature, paix, et depuis 1968, il y a le prix de l'économie qui a été ajouté, mais depuis, il était interdit d'ajouter de nouvelles catégories de prix Nobel. Les mathématiques sont les grands délaissés des prix Nobel et ça a donné lieu à plusieurs hypothèses. Pourquoi donc? Pourquoi les pauvres mathématiques? Ben, d'abord, c'est que le but, c'était de donner des prix pour des actions concrètes. Donc, les mathématiques c'est théorique. Oui, c'est ça, c'est théorique. Donc, pas tellement adéquat pour les prix Nobel. Puis, il y avait une rumeur qui courait selon laquelle Alfred Nobel refusait que le prix revienne un jour à Gottsa Mittag Leffler, un mathématicien suédois qui lui aurait volé le cœur de sa maîtresse. Oh! Mais on s'est rendu compte que ça pouvait absolument pas être vrai parce qu'en fait, il n'a jamais même connu ce mathématicien-là. Donc, c'est une grosse rumeur. On refait l'honneur de M. Nobel. Ça n'a aucun rapport avec Gostomitag Leffler. Moi, je donnerais un prix Nobel à la personne qui a découvert qu'on pouvait écrire boobies sur une calculatrice. Oh! Oui, oui, c'est vrai, c'est pas pire. Hein? On devrait. Ou la personne qui a pensé à inventer le terme geek un jour. Oui, mais ça. Tellement d'accord. Puis, il y a des gens qui refusent le prix Nobel. C'est très, très rare. Mais un écrivain assez célèbre, je sais pas si tu connais celui qui a écrit La nausée. Non. Jean-Paul Sartre. OK. Donc, lui a refusé le prix Nobel. Mais en fait, c'est pas envers le prix Nobel. C'est juste parce que lui refusait tous les honneurs. Tous les honneurs. Donc, ça a été un des plus connus là, qui a refusé la remise de prix. No, sir. Nausée. Nausée. No, sir. Ah, quand même. La nausée. Yak. C'est pas d'une idée d'écrire un livre là-dessus. Le Nintendo. Ah, oh, là, tu m'atteins, là. Oh, quand même. Je veux en savoir plus. Donc, un petit historique de où que ça vient, le Nintendo, pour commencer. Puis après, on va parler des top 5 des Nintendo. Génial. Donc là, je sors un autre livre. Hein. Quand, comment, pourquoi et qui est pas mal ma Bible. Comme tu peux voir, il y a à peine de post-it. C'est ça, il y en a juste une trentaine, une quarantaine. Assez utile. Environ. Mais c'est pour ceux que ça intéresse, c'est fait par Québécois. Moi, je suis un peu pas tellement Québécois. Nausée. Ouais, exact. Mais je vais toujours recouper mon information sur Internet parce que je me suis rendu compte que justement, beaucoup de potins dans ce livre-là. Okay. Sont pas nécessairement fondés. Donc, quand je vous donne les infos d'habitude, c'est parce que c'est pas mal les bonnes. C'est pas c'est un fait ici. Là. C'est un petit peu plus crédible que c'est un fait. On essaye. Donc, c'est le 23 septembre 1889 que Nintendo est créé sous le nom de Nintendo Copai, qui veut dire « Laissons la chance au ciel ». Ah-ha! Religieux encore. Religieux, ouais. Peut-être limite manga et compagnie. Peut-être là. C'est Fujijiro Yamauchi qui a créé la compagnie. En fait, c'était d'abord pour des cartes à jouer. Oui. Des Anafuda. Ah, tu savais ça, hein? Ce bout-là, je savais. Là, pour l'instant, je t'apprends rien. Hein? Donc, en fait, il était fait à la main, les cartes, au départ. Puis là, il a cédé la compagnie, il a pris sa retraite, il a cédé la compagnie à son gendre, Sekiryo Kaneda, qui, lui, a fait changer la compagnie de nom plusieurs fois et a fait aussi que les cartes sont devenues plus de qualité. Et ensuite, lui a aussi légué la compagnie à Hiroshi Yamauchi, son petit-fils, qui, lui, a décidé de diversifier l'activité économique de Nintendo. Donc, on a vu se développer des portionneries individuelles, la gestion de compagnies de taxi, même que Nintendo est devenu propriétaire d'une maison close. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Savais-tu que Hiroshi Yamauchi, c'est lui qui est mort le 19 septembre dernier? Non! Il vient juste de mourir. Juste là, oh mon Dieu, quelle perte tragique. Ah, zut, j'ai manqué ça. Puis, en fait, il y a beaucoup de liens souvent dans mes chroniques avec Walt Disney. Disney qui ont beaucoup aidé à la compagnie Nintendo à prendre de l'envergure au niveau mondial. Et puis, ce n'est qu'en 1970 que là, on a commencé à créer des consoles. La première, qui était l'Odyssée en 1972. Et ensuite, on a créé le Famicom, Family Computer, qui s'est envenu au Japon. C'est ce qui est devenu plus tard la Nintendo Entertainment System, la NES. Exactement, oui, la NES. Le Game Boy sort en 89, le Super Nin. Ah oui! En 90. Mon préféré. Le Nintendo 64 avec Donkey Kong en 96. GameCube 2001 et oui, en 2006. Donc d'abord, c'est des cartes à jouer. C'est devenu des bols de riz, des compagnies de taxi, puis des maisons closes. Des maisons closes. Pour devenir des jeux vidéo. Donc, top, on va voir, en fait, c'est... T'annoncera peut-être rien, mais les auditeurs vont probablement en apprendre. À ton avis, quelle est la première console la plus vendue par Nintendo? J'irai avec la Famicom, la première. La première? Ouais. OK, je vais te faire le top 5, okay. Parce qu'il y a un top 12, mais bon. Ouais. Donc, en 5, c'est la Famicom, le NES, avec 62 millions de consoles vendues. En 4, c'est le Game Boy Advance, 81 millions de consoles. Cool. En 3, une sortie un peu plus récente, la Wii, avec 106 millions de consoles. Le Game Boy tout court, en deuxième position, avec 118 millions. Et en première place, le Nintendo DS. Ah, ben il y a eu tellement de versions de ces consoles-là que si tu regroupes le tout ensemble, là, tu trouves à plusieurs publics. Tu as eu la DS, la DSi, tu as eu comme plein d'autres. Là. Ben la 3DS. 3DS, et tout. 3DS XL. Puis ils mettent ensemble Nintendo DS et la DSi, ils la mettent ensemble en première position avec 154 millions de consoles. Cool. Puis au niveau des séries, vendu par Nintendo, à ton avis? C'est sûr que Mario est au sommet de ça. On va voir. Donkey Kong, sûrement là-dedans, les Zelda. Je dirais ces trois-là, minimum. Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Ben, on retrouve Metroid en cinquième place avec 20 millions de jeux, quand même. Megaman après ça, non? Zelda, qui arrive en quatrième avec 52 millions. Donkey Kong. Cool. 60 millions. J'adore Donkey Kong. C'est mes préférés, moi. Oh, Donkey Kong Country, là, pis tout ça. Oh, c'est écœurant. Pokémon! En deuxième place, 200 millions de jeux. Avais-tu joué à Pokémon Snap? Non, j'ai joué à aucun Pokémon. C'était tellement drôle, tu te promenais puis tu prenais des photos de Pokémon. Oui, oui, n'importe quoi. C'était assez drôle. Et bien, en première, Mario. Évidemment. Alors, notre fameux Mario avec 250 millions de jeux vendus. Donc, évidemment que c'est des séries, là, ça regroupe tout. Ça regroupe des dizaines et des dizaines de jeux chaque. Oui, oui. Puis, ben, ça me permet de faire ma petite transition vers la chanson du jour. Oh. Donc, c'est un groupe que j'ai découvert il y a deux semaines quand je suis allée voir le spectacle de Kaamelott au Club Soda à Montréal. En fait, ils ont fait la première partie de Kaamelott. C'est le groupe Eclipse, donc un quatuor de cordes. Quatre belles filles, vraiment, là. Puis, c'est très, très enlevant là, comme musique. Là, c'est très touchant. Et j'ai choisi la chanson thème de Assassin's Creed. Wow! Comme première chanson, puis je vous en ferai peut-être écouter une autre dans deux semaines. Hey, c'est geek, ça, j'aime ça. Oh. C'est dans le Véronique Sénat, on revient avec plus de la lettre N juste après. La chanson thème d'Assassin's Creed. Il y a de l'action ici ce matin. Oui, il y a de l'action dans le studio. On aime ça de même. C'est le fun, ça met du piquant. Ben exactement. Toujours avec Véronique Mir et sa chronique Le Véronictionnaire. C'est la lettre N, deuxième partie. Oui, puis en parlant de piquant, puis de trucs inattendus, puis d'action, puis tout, ben mon prochain thème, c'est les ninjas. Oui. On capote tout en studio. J'adore les ninjas. Donc, les ninjas sont ceux qui pratiquent le ninjutsu. Pas le ninjutsu, là, c'est le ninjutsu. OK. ou Shinobi sont aussi appelés les Shinobi. Shinobi, c'est aussi une série de jeux vidéo, je crois. Ouh, je ne sais plus. Je ne sais pas. Ça se pourrait bien. Donc, c'est des guerriers espions dans le Japon médiéval. Il y a des femmes ninjas. Des femmes ninjas. Okay. Il y en a. Ouais, ouais. Des ninjas, je sais pas. Ça s'appelle des kunoichi. Kunoichi. Kunoichi, les femmes ninjas. Donc, c'est des troupes formées entre le 8e et le 9e siècle de Bushi, donc vaincus sans seigneur, qu'on appelait des ronins. Hein, donc, ceux qui, les combattants sans seigneur, ou qu'on pourrait dire des mercenaires dans ce temps-là. Suite au déracinement et à la défaite, ils ont développé des techniques de survie, de combat. Probablement qu'ils ont subi l'influence de quatre intéressants personnages. Donc, d'abord, les pirates! C'est intéressant. Arr! C'est pour ça qu'on dit pirates. Des fois, on dit ça, pirates versus ninja. Oui, oui, oui. Ouais. C'est le combat. Les gens sont tout le temps partagés. C'était soit pirate et soit ninja. Ouais, ouais. Toi, ouais. Ninja. Hey, en passant, moi aussi. Hein? Nous accueillons... Ah oui, Stéphanie Paradis, si elle veut parler. Pour vrai, on va l'intégrer dans la sauce. Oui, bonjour. Ça va? Moi, je suis ninja. Good, on est trois ninjas, c'est ça? Yeah! OK, cool. On va faire... Donc, les pirates, donc peut-être l'influence des pirates tout d'abord, surtout pour les techniques de grappin, d'utilisation des grappins. On aurait aussi l'influence des Yamabushi, donc c'est des ascètes qui vivaient dans les montagnes. Okay. Parce que les ninjas, il y avait beaucoup le côté mystique. Les moines bouddhistes, pour tout ce qui est plus... on se concentre, être centré sur soi-même. Zen. Exact. Et les innins. Personnes de basse condition sociale utilisées pour les tâches jugées un peu, notamment en relation avec le sang et le cuir. Mais c'était pas des sadomasos. Ça n'a pas rapport. En le lisant, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Les ninjas qui pratiquent leur doctrine, c'est le ninpo ou le shinobu-o. Donc, le ninjutsu dont je vous ai parlé tantôt. Donc, endurance, persévérance, capacité d'adaptation, technique de combat et de survie en nature, comme le camouflage, les soins médicaux, l'endurcissement du corps et de l'esprit, capacité à prévoir le danger, à l'éviter. Beaucoup le mimétisme aussi, donc être capable de reproduire ce que fait notre adversaire ou la personne qu'on suit. Capacité d'adaptation, utilisation d'explosifs. Mais il y a aussi tout un côté science. Les ninjas étaient doués pour la météorologie, l'astronomie, la médecine, les maths. Puis même plusieurs ninjas qui ont inventé des choses, comme qui ont créé des digues ou qui ont fait des mines. On pourrait dire des ninjas ingénieurs. Des ninjas. Ou des ninjas. Des ninjas. Ninjas. Puis ninjas. Ou qui exploitaient... Ben, c'est ça. Donc, ninja ingénieurs. Mais ce qu'il faut savoir des ninjas, parce que bon, dans les médias, dans les jeux vidéo et tout, c'est devenu des espèces d'assassins. Hein? On voyait beaucoup les ninjas assassins. Mais les ninjas, en fait, leur but, c'est de survivre, de se protéger eux-mêmes et de protéger leur famille. Donc, ils ne vont jamais provoquer un combat. C'est comme un vampire. Hein? Rentrez pas chez vous, à moi aussi, demande. Pareil. Ouais. Hein, ça. Mais quand même, ben, les ninjas, évidemment, ça n'existe plus tellement là, aujourd'hui comme les sumo, par exemple. Contrairement aux pirates qui existent encore, si on sait. Oui, les pirates existent encore. On en voit hein, dans les médias des vols de bateaux et compagnie. Donc, voilà, ninja! Ensuite, ben quelque chose que j'aime beaucoup, mais plus son pendant intéressant que son pendant trop intellectuel, les nerds! Oh oui! Nerds, mais pas les bonbons, quand non. même. Ah, non, mais ça aussi. Oui, ben oui, moi je suis pas anti-nerd de bonbons. Non, hein? Non, ben on en a parlé quand j'ai parlé de W pour Wonka. Hein? Je vous rappelle que c'est Wonka qui fait les nerds. Donc, les nerds sont des personnes solitaires, passionnées, obnubilées par des sujets intellectuels liés aux sciences, surtout les maths, la physique, tout ce qui est logique, comme les jeux d'échecs, et aux techniques de manière générale. Donc, ils accordent peu d'attention aux gens, les nerds. Donc, c'est plutôt des solitaires comparés aux geeks, qui sont plutôt des techniciens qui vont plus se blender, là, si on veut. Ils sont plus sociaux un peu, mais ils ont une passion quand même pour les trucs qui sont, qu'on appelle geek, finalement. Exact. Oui, je dis beaucoup exact aujourd'hui. Exact. Je pense que c'est mon mot du jour. Donc, ça a été inventé à la fin des années 50 aux États-Unis. Puis, en fait, le gros point commun entre les geeks et les nerds, c'est qu'ils font confiance a priori et en priorité à des médias informatiques pour acquérir leur savoir. Mm-hmm. Passionnés d'ordinateurs, évidemment, qui vont souvent passer leur journée sur Internet, comme la série de Big Bang Theory que j'adore, littéralement. Donc, on pourrait dire que Leonard, Howard et Raj sont plutôt des geeks, alors que Sheldon est clairement un nerd. Oui. Donc, on avec peut son voir, tableau et ses affaires mathématiques. puis carrément asocial, mais qu'il devient quand même un peu plus social, tu connais. Spoiler alert! Oui, c'est tellement bon! C'est pas un kick-film. Non, j'en dis pas plus. Puis en fait, on va souvent écrire nerd aussi, N3ARD, hein, plutôt que NERD, qui est pour en Trois Rivières. Non! Ah, non! Malheureusement. Qui est en lead speak de l'anglais, elite speak. Donc, on a tendance à remplacer justement des lettres par des chiffres ou par des symboles informatiques. Donc, le 3 pour le E, on va utiliser le S, le 7 pour le S, ou encore le S ouais. pour le 5, ou encore le T pour le 7. Donc, c'est écrit en caractère alphanumérique. Donc, le lead speak. Nerd. C'était lead dans le temps, c'est devenu cliché avec le temps. Voilà. Donc, pour les nerds, nap et napkin. Dans la même catégorie. Hein? Ouais, nap, et nap et napkin. Donc, en fait, les Romains utilisaient des serviettes pour s'essuyer le visage et c'est eux qui ont inventé. Waouh, ça sonnait fou l'aigu, ça. Qui ont inventé les doggy bags. Ah! Parce qu'ils servaient de leurs serviettes pour ramener des restes de table. Mais là, quand les barbares sont débarqués, eux autres, si on leur donnait ça, ils ramenaient tout ce qu'il y avait sur la table. Donc, les serviettes ont pris le bord. On n'utilisait plus de serviettes. Au Moyen-Âge, on utilisait plutôt une nappe qui devait être d'une blancheur immaculée. Et on avait sur le bord de la nappe, près des invités, ce qu'on appelle une longière pour que les gens puissent s'essuyer les mains ou le visage. Donc, la nappe devait rester aussi blanche que possible, mais la longière devait être assez dégueu en fin de festin. Au 16e siècle, c'est le retour des serviettes individuelles, donc les napkins ou les serviettes. Et elles étaient alors immenses. Elles pouvaient mesurer jusqu'à 1 mètre. Wow! Donc, très, très grande. Tu peux essuyer de la bouche avec ça? Oui, hein? C'est une serviette familiale. Les gens la mettaient sur leur épaule droite à ce moment-là, mais petit à petit est apparue la mode. Là. Vous savez, les gros trucs là, qu'on se mettait autour du cou, là? Les capes? Les collerettes, là? Les fraises, ouais. Les grosses fraises. Donc là, on a commencé à les mettre au cou. Avec ça, surtout pour pas que la bouffe se ramasse dans la fraise. Yak! Tu pétais la fraise, ça? Tu pétais la fraise. C'était pas très confortable, non. Cette affaire-là. Puis, ben là, s'est développé l'art du pliage. Il y avait des manuels qui montraient des centaines de façons de plier des napkins. En l'honneur du mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, la table avait été remplie de serviettes pliées pour représenter une scène de chasse hivernale. Mmh. Animaux chasseurs, gibier. Ça devait être assez impressionnant. Et à Rome, même, on avait un banquet au cours duquel les serviettes étaient pliées de telle sorte qu'il y avait des oiseaux à l'intérieur. Quand les gens ouvraient les serviettes, il y avait des oiseaux qui sortaient des serviettes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que des oiseaux dans les serviettes. Wow. En tout cas. Mais faut que tu t'essuies la bouche en plus avec après. Oui, c'est avec ça. Avec l'oiseau. On ne ferait pas ça aujourd'hui. Hein? Tout le monde qui a tellement peur des bactéries sur les oiseaux. Là. Donc, voilà. 17e, 18e siècle, les nappes et serviettes deviennent de plus en plus luxueuses. Même, ça représente la prospérité d'une famille, le fait d'en avoir le plus possible. Un banquier du 19e dit qu'il faut disposer au minimum de 38 nappes et de 16 douzaines de serviettes dans une maison. Et d'avoir en réserve, parce que c'est juste la base, en réserve, il faut en avoir 19 autres nappes et 23 douzaines de serviettes, t'sais, parce que tu sais jamais qui va arriver chez vous. Pourquoi 19 puis 23? C'est normal des chiffres random. Oh, c'est comme, ouais, c'est ça. J'aime pas ça, c'est pas des chiffrons. Il n'y a pas créé les chiffrons. C'est chasseux, hein? Ouais. En 1930, après la Seconde Guerre, on a les serviettes colorées qui apparaissent. Et dans les cafés et brasseries, ben là, on a les serviettes en papier. Bien sûr. Qui remplacent les serviettes en dessous. Les petites serviettes humides, hein, aussi. Oui. Ouais. Mm-hmm. Nutella. Oh. Miam. Ouh, encore. Bon, on va avoir faim aujourd'hui. Donc, le Nutella qui a été créé en 1964 par la société italienne Ferrero. Mm-hmm. Hein, donc, j'avais jamais remarqué que c'était écrit. C'est écrit, hein, en plus. C'est papier. Ah, moi, j'ai tout le temps Ferrero. Remarqué ça, on dirait. J'ai fait le lien tout de suite avec les Ferrero Rocher. Oui. Puis là, ça a confirmé le pourquoi je trouvais que dans les Ferrero, ça goûtait le Nutella. C'est parce que c'est du Nutella. Non, moi, j'avais jamais... non. Mais on n'en parlera pas à radio, surtout. Donc, 80% des gens qui, quand ils arrivent à l'épicerie puis qu'il n'y a plus de Nutella sur les tablettes, se reviennent d'abord puis s'en vont. Ils n'achètent rien d'autre. Ben non. Ils ne veulent pas autre chose que le Nutella, le majeur truc, puis l'autre... Là, mais c'est pas bon. Ça passe, mais Nutella non. Clairement vainqueur. Pourquoi l'utilisation de noisettes, en fait, c'est encore à cause de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque-là, les fèves de cacao coûtaient la peau des fesses. Donc, étaient très rares. Alors, on utilisait des noisettes. Ah, fait que c'est pour économiser de l'argent. Ouais. C'est ça? Oui, exactement. C'est pas comme il y avait la rareté aussi. Maintenant, ils font le contraire, puis ils nous crossent bien raide avec le prix du Nutella. Mmh. Ben, ça coûte cher, des noisettes, me semble, aujourd'hui. Honnêtement, moi, je fais le saut du prix des peanuts. Pis, en tout cas, je trouve ça cher. Peanuts. Le prix du peanut monte, là. Saviez-vous ça qu'il y a le World Nutella Day? Hein? La journée du Nutella, le 5 février. Donc, chaque 5 février, c'est la journée du Nutella. En fait, c'est une blogueuse américaine, le Sarah Rosso, qui a inventé la journée, mais quand même qui est célébrée par beaucoup d'amateurs de Nutella chaque année. Et la France détient le record de consommation avec 300 000 tonnes par année de Nutella. Wow! Qu'est-ce que ça représente concrètement? Je ne saurais vous dire. Des nouilles et des hommes, je termine bientôt. Donc, en 2007, l'Hollandais Riley Zennström qui a gagné le Grand Prix du Big Eater Festival, qui a mangé 342 sachets de nouilles chinoises et qui aurait dormi 41 heures en ligne après avoir fait son exploit, qui lui aurait donné le surnom d'homme nouille au sommeil profond. Ça fait winner, hein? Ça fait winner. Vocabulaire en bref pour terminer. Hein, donc, mes petites trouvailles dans le dictionnaire. Narco-dollar. Hein? Narco-dollar. Dollar ou dollar? Dollar. Dollar. Comme argent. Narco, c'est ben, narco, c'est comme, tu sais, narcoleptique, là, ça fait... Presque. Ou narcolepsie, quand tu as de l'argent, tu dors. Narcotique. T'es drogué à l'argent. La drogue. Donc, dollar utilisé dans le trafic des stupéfiants. Donc, quand on parle de l'argent qui est utilisé pour vendre, acheter de la drogue, on peut parler de narco-dollar. Ah. Le navarin, qui est un ragoût de mouton. Bien. Ça m'intriguait. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui font du navarin chez eux, ben, je suis prenant pour un petit bol. Je prends de navaler. Navaler votre navarin. Ouais. Neigeoter. Ah ben, neigeoter. Si c'est neige, le lancer du nain, ça? Non, neigeoter. Ah. C'est neige. Comme l'équivalent de la bruine pour la neige. Oui. Okay. Neigeoter. La nette économie. C'est l'économie des sites web sur Internet. L'économie des entreprises sur le web. Cool. Exact. Un point. Nonuplé. Oh, nonu, c'est pas... C'est pas... C'est comme ferme la porte, je suis nonu. C'est pas le chiffre 11 ou 12 ou quelque chose comme ça, nonu. T'es pas loin. Proche, hein? 9? 9. 9. Donc, multiplié par 9. Ouais. Nonuplé, ça veut dire multiplié par 9. Alors, moi, c'est le plé qui m'a mêlé. Je nonuple 2. Donc, je l'ai fait 18. Nosographie. Un dessin de nez? Ça ressemble à vous aussi, je pense. Si, quelque chose avec ton nez. Ouais. Nosographie, ben c'est en fait la classification des maladies. Ah. Du nez. Non, pas de nez. Non, il n'y a pas de nez, je pense, dans l'histoire, finalement. Et puis, finalement, pour terminer, ben c'est bien de circonstance. Namasté. Salutation utilisée en Inde ou au Népal. Donc, selon la tradition, si on met nos mains... comme ça, là. Dans les airs. Au-dessus de la tête. Donc, prière, pour saluer Dieu. Si vous les mettez devant votre poitrine, c'est pour saluer. On fait ça en yoga. Pour saluer. Saluer, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Saluer son yogou. Hey, ça va bien! Son gourou ou son guide spirituel. Et finalement, on l'utilise aussi pour dire au revoir ou salut. Donc, je termine ma chronique avec Namasté. Namasté. Namasté. Merci beaucoup, Véronique. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine, mercredi vers les 8h. On se retrouve l'autre dans deux semaines. Ouais. Pour la lettre M. M. Oh, peut-être que M, elle va être doublée. M comme Mathieu. Mire. J'ai donc même pas d'inspiration. Marmelade. Non? Marmotte. Marmotte. M'en va en pause, puis on vient après. Ouais, c'est bon. Bye, Véronique. Bye, merci. Bye. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est 8h38 et Stéphanie Paradis est là. Mais oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je pense que je vais faire une chronique tantôt. Oui, tu devrais aussi co-animer un bout de l'émission avec moi parce que Jean-Philippe n'est pas là. Ah, mais moi, je suis là jusqu'à la fin, là. Ouais. Ah, ben ça, c'est cool, par exemple. Parle-nous donc de quoi tu vas nous discuter dans ta chronique, les petits bonheurs tantôt. Ben, aujourd'hui, là, je sais qu'il y a plusieurs vont faire comme, ben, voyons donc, ça se peut pas, il n'y a pas de petits bonheurs là-dedans. Mais oui, je vais vous parler, c'est les petits bonheurs de l'hôpital aujourd'hui. J'aime ton imitation de notre public cible. Mais oui, voyons donc, je comprends pas. On écoute le nœud de Midi Cayenne Club. Chez soi. des erreurs. Ce ne sont pas les chaînes que j'admire. Chez nos parents, le feu de la guerre, le nerf de mon cœur, la tension dans l'air, le bruit et l'odeur. J'aspire à me savoir. Midi Cayenne Club et la pièce Le Nœud sur le palmarès francophone de C'est Fou. Vous êtes à l'assemblage requis, bien sûr. Là, ça changera pas là d'ici à la fin de l'émission, qui est à 9h30. Tout non, je pense pas qu'on va changer de nom d'ici la fin. Non. À moins qu'il y ait une balloune qui nous passe dans la tête puis que soudainement... Peut-être le poisson d'avril. Oui, mais on est au mois de septembre. C'est un peu loin, hein? On parle pas de ça tout de suite. Après, ce qu'on va faire, c'est dépenser de l'argent. Parce que moi, ce qui me troue les trous dans les poches. Ouais, tu me fais peur. Qu'est-ce qui te troue? Ça me fout les jetons! Ça me fout la trouille, ça me fout les jetons! Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. La chronique des gadgets inutiles. On cherche des solutions à des problèmes qu'on n'a pas nécessairement. C'est et, bon. Et voilà. On se crée des besoins, des problèmes. Bon. Par exemple, disons que vous voulez savoir exactement la couleur d'un mur ou d'un poster ou d'une peinture que vous voyez. Vous voulez capturer sa couleur pour pouvoir peut-être peinturer votre mur à la maison de la même couleur. Ouais. Mais toi, tu vas chez Starbucks, là, tu trouves les couleurs belles, tu veux reproduire ça dans ton salon. Ça se peut pas, ça. Ça se peut. Ça se peut. C'est sur Kickstarter le Nix, N-I-X. C'est un appareil Bluetooth, un accessoire pour votre téléphone intelligent qui peut identifier la couleur de n'importe quoi pour que tu puisses donc la reproduire. C'est les créateurs canadiens qui ont inventé ce produit-là. Ils disent que leur produit est beaucoup plus précis que juste utiliser la caméra de votre téléphone pour prendre la couleur, parce que là, il y a le facteur luminosité. Ben oui. Ça devient compliqué, les reflets des vitres, peut-être. Donc, c'est ça, c'est fait vraiment exprès pour scanner la couleur exacte. C'est calibré pour vous donner la couleur spécifique et exacte. Et ça bloque la lumière ambiante, comme je disais. Sinon, ça dit que l'application va pouvoir utiliser... Dans le fond, ça va vous donner différents codes de couleurs. Par exemple, c'est le RGB, le CMYK pour, mettons, un journal. HTML pour Internet, des trucs comme ça. Vous allez pouvoir converser la couleur en différents médias, comme la peinture pour le mur, la peinture à l'huile, le maquillage, la peinture à l'eau, pour le bois, pour l'auto même. Donc, tu pourrais avoir une voiture de la même couleur qu'une tapisserie que tu as vu à quelque part. Le zone campus, je pourrais avoir une voiture verte zone campus. C'est ça. Mais je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'est un peu l'équivalent de la pipette dans les logiciels dans de photos et tout ça. Là. Génial, hein? J'adore. C'est le Nix, c'est sur Kickstarter. Ça fonctionne aussi sur le tissu, imaginez. Donc, allez voir le lien sur assemblagerequis.com. C'est sur Kickstarter, N-I-X. Ensuite de ce prochain problème, c'est... tu veux imprimer en 3D? Ben oui. C'est à la mode? Toujours. T'as pas d'imprimante 3D? Ben non. Fais-toi imprimer une imprimante 3D avec une imprimante 3D. Explosion du cerveau. Oui. Donc, les sites de crowdfunding, un peu comme Kickstarter et Indiegogo, bref, sont remplis de projets en 3D, mais si vous avez pas d'imprimante, ben c'est ça, là. C'est ça, c'est le gros problème de la chose. Donc, le LumiFold, en fait, je pense que mon introduction était par rapport à un autre gadget. Bref, peu importe. Celle-là, c'est juste une imprimante 3D pliable. C'est le LumiFold qui mesure 9,84 pouces par 4,72 par 1,18. Et quand c'est plié, c'est assez petit pour mettre dans une valise ou dans un sac à dos. Ça peut imprimer des objets de 3,5 pouces par 3,5 par 3,5, donc un cube. Contrairement à la plupart des autres imprimantes 3D, le LumiFold utilise un processus photographique pour créer ses modèles en 3D. Donc, vous avez qu'à mettre de la résine sensible à la lumière, donc photosensible, c'est ça qu'on dit, dans un verre, le mettre sur la plateforme et la lumière va faire le travail pour vous, va faire fondre la résine. On dit que quelque chose d'unique chez le Lumifold, c'est l'accessoire HoloDoc qui vous permet d'avoir une simulation holographique de l'image de l'objet que vous modelez alors qu'il est en train d'être imprimé. Vous allez voir de quoi ça va avoir l'air à la fin par un hologramme. Ah. C'est génial quand même. Donc, une idée, c'est ça, de transporter votre imprimante 3D avec vous. $449 pour le kit assemblé et testé. Sinon, $399 sur Indiegogo pour avoir seulement les morceaux pour pouvoir construire le tout vous-même. Là, je cherche l'autre imprimante qui imprime une imprimante pour pouvoir la faire en même temps. Je dirais que ça réveille du sens de le faire. Oui, voilà. Lave-la. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. C'est le Rep Rap Project. Qui est une imprimante le 3. Le Rep Rap Project. Le Rep Rap? D'accord. Vous aurez une personne âgée qui n'a pas de dentier. Rep Rap Project. Il n'y en a pas de problème. Donc, l'imprimante 3D qui peut être utilisée pour imprimer une imprimante 3D. Voilà. C'est le Rep Rap pour Replicating Rapid Prototype. Prototype de réplication rapide. Je ne suis pas vraiment convaincue. Parce que déjà, à la base, je ne suis pas convaincue de l'imprimante 3D. Okay. Donc, d'avoir une imprimante qui m'imprime une imprimante 3D, je suis encore moins convaincue. Ça pourrait être à l'infini. L'imprimante 3D qui imprime une imprimante 3D qui imprime une imprimante 3D. Mais est-ce que ça fait toujours de plus petites imprimantes comme des poupées russes puis qu'à la fin, on peut mettre une imprimante à l'intérieur de l'autre imprimante? J'adore l'idée. Ce serait cute, hein? Faudrait inventer ça. Mais à la bon. Fin, ça fait une imprimante microscopique, là. Pour l'instant, c'est juste un ingénieur bidon, là, Adrian Boyer, qui a inventé ça en 2005. Il a été ensuite joint par d'autres gens qui voulaient aussi amener ce mouvement de l'impression 3D au prochain niveau, au plus grand public. Donc, les imprimantes s'appellent Morgan, Simpson et Wally, qui ont été montrées à la Maker Faire, une foire, cette année. Chacune de ces machines-là peut imprimer une imprimante 3D en 60 heures. Ça demande environ $20 de plastique et $150 de morceaux d'électronique. Donc, ces personnes-là prévoient lancer une campagne sur Kickstarter pour offrir un kit qu'on monte soi-même pour $450 et une imprimante complètement fonctionnelle pour $600. Ouf! C'est beaucoup pour imprimer une imprimante. C'est juste, tu vas faire ça combien de fois dans ta vie, imprimer des imprimantes? À moins de faire un trafic d'imprimantes assez intense, probablement pas souvent. C'est rare. J'ai rarement entendu parler de ça aux nouvelles. Ensuite de ça, tiens, un sac à dos qui va vous permettre de jamais manquer de jus dans vos appareils. Tiens, on a tout ce problème-là. Hein? OK, du jus électrique. Du jus électrique, de l'électricité, du pouvoir, de la puissance, du power. Oui, oui. Donc, avoir beaucoup d'appareils, ben c'est ça, ça prend beaucoup de batterie. Et transporter une grosse batterie dans votre sac à dos, ben, Caroline, à un moment donné, ça va être lourd. Ben, ce gadget-là ben, vient compenser en étant une petite batterie dans un sac à dos qui dure très, très longtemps. C'est le Soot Electropack, Soot S-O-O-T, qui est supposé pouvoir vous donner des batteries pendant 2 semaines sans avoir à le brancher. C'est un sac fait de 3 sacs modulaires, donc c'est un sac de sac, un peu comme une imprimante d'imprimante. Si on veut, qui peuvent être combinés ces 3 sacs-là pour vos besoins. Donc, le Mini Messenger, le Commuter, un petit peu plus gros, 24 litres, et le Carry-On qui peut emmagasiner 34 litres c'est cool, de contenu. Hein? C'est très, très cool. Chaque sac a une batterie de 10 000 mAh et on peut charger 4 appareils en même temps, des téléphones cellulaires aux tablettes. Et une seule batterie peut charger un téléphone cellulaire environ 7 fois ou un iPad 1 fois sur une charge. Et puis, vous pouvez avoir une version avec une batterie additionnelle pour doubler ça jusqu'à 2 semaines de capacité pour votre téléphone intelligent. Le Soot Electropack a 34 litres, comme je disais, de place pour mettre des affaires dedans. Tu peux transporter donc tes ordinateurs et toutes tes affaires que tu auras besoin de faire charger. Ça a été lancé sur Kickstarter. Ça va se terminer le 17 octobre. Il faut donner $240 américains pour une batterie dans le sac à dos, donc le sac à dos et la batterie, ou 279 pour 2 batteries dedans. Ouais, ça peut être pratique. Si tu t'en vas en voyage ou en camping, par exemple, en camping, tu peux pas vraiment recharger ton téléphone, mais des fois, si tu as une urgence, ça peut être pratique. Mais moi, je veux quand même regarder l'heure sur mon téléphone quand je suis dans la tente, donc faut que je le laisse allumer. Donc, ça prend un sac à dos qui est comme une recharge infinie, si on veut. Oui, exactement. Parce que je pars pas plus que 2 semaines en camping. Je veux dire, à un moment donné, j'aime ça me laver. Mais toi, je te connais, un sac banane à batterie, c'est parfait. Ça. Génial. Pour toi, un sac banane en forme de banane, oui. Par exemple. Et qui recharge ta banane pour que tu aies une banane infinie. Une banane électrique. Une banane électrique infinie. Génial! Merveilleux. Tu connais Batman, mais tu connais peut-être encore plus ou peut-être que tu es encore plus fan de Adam West quand il jouait Batman dans la série des années 60, non? Parce Écoute, que c'est le meilleur Batman, clairement. Je pourrais pas te dire. La série originale avec les bim baf bouf les bif paf caclong. Donc la compagnie Hot Toys qui fait des sculptures et des figurines un petit peu tout le temps. Mais ils vont sortir Batman d'Adam West, échelle 1/6e. Du modèle de 1966, qui vient avec des accessoires classiques comme une bombe et un repousse-requin. Ah, ben oui, tout à fait classique. Le classique repousse requin. Donc, comme la plupart des figurines de Hot Toys, Batman vient aussi avec différentes mains qu'on peut attacher, différentes positions et différentes expressions faciales. Oh. Ça, c'est génial. On ne sait pas encore quand ça va sortir. Par contre, vous devriez savoir qu'ils vont aussi sortir le Robin de Burt Ward dans la même série de 1966 et la Batmobile de cette même ère. Cool. J'adore l'idée de ressortir ça. Moi, je reviens au repousse requin, là. Oui. Est-ce que c'est comme en spray, là, comme pour repousser les mouches? Je sais pas. C'est comme un spray. Ou un repousse requin, c'est pour repousser les auditeurs d'assemblage requis en mettant trop de musique et en parlant pas assez. C'est un repousse requin. Et ça, on appelle ça un Mathieu Plante. C'est ça. Maintenant, vous avez un enfant. Non. Faites comme si, avec une poussette, OK? Et vous voulez pas, mettons, votre enfant débarque de la poussette et veut marcher à côté de vous autres, il faut continuer de pousser la poussette, c'est un peu plate, hein? Il y a quel âge d'enfant dans l'histoire? L'âge d'une poussette, là. Ben, pas d'une poussette. Mais d'une poussette. Apprendre une poussette. Mais il marche, là. C'est ça. Fait qu'il peut débarquer de sa poussette. Il n'y a pas 30 ans parce que c'est l'âge d'une poussette quand tu l'as fait refiler de ta mère, mettons. C'est pas ça. Bref, c'est le Quick Smart, ben je sais pas. Quick Smart Backpack Stroller, c'est une, dans le fond, c'est un frame d'aluminium très solide et d'acier. Et ça se plie en sac à dos pour facilement se le mettre sur le dos. Donc voilà, c'est un très gros plus. Vous pouvez même l'amener en avion et le mettre dans le compartiment, dans le overhead, là, dans la soute à bagages. Oui. Très bon pour la voiture, le train, l'autobus et la forme fit dans une voiture sur le siège en arrière au lieu de le mettre dans la valise. Tout le monde gagne, c'est le Stroller, Quick Smart Backpack Stroller. Ah, c'est cool. Ça vient de ça en différentes couleurs? Non, j'ai pas vu les couleurs. Y'a-tu des fleurs? Y'a pas de fleurs. Attends, il y a un petit motif dedans. Il y a un motif de genre de cercle avec des formes dedans. C'est cute. Ah, c'est beau. Oh, ouais. Le petit cercle. Oh. C'est cute. C'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. C'est full fashion. C'est, en fait, j'ai dans un autre paragraphe, ça dit que oui, il y a un choix de deux couleurs, mais ça précise pas lesquelles. Ça peut fonctionner avec les enfants de 6 mois et plus et de 45 livres et moins. Voilà. Ça me dit absolument rien. 45 livres pour l'enfant. Oui, je comprends, mais ça me... Je veux dire, OK, ça commence à 6 mois puis ça arrête à 45 livres. On dirait que ça me perturbe parce que c'est deux unités différentes. C'est comme quand t'achètes une voiture puis ça te dit la garantie 5 ans ou... Ça a 10 000 km, je sais pas quoi. Ben, pas 10 000, 100 000 là, peut-être. 100 000, là. Ben, là, c'est comme, c'est le premier que tu pognes, mais... Ben, ça pèse 11 livres, si tu veux une autre unité de mesure. Là. 11 livres pour le poids du sac à dos. Okay. La poussette. D'accord. Donc, ça fait un total de 56 livres, la poussette et le maximum de l'enfant. Exactement. Et voilà. Et divisé en deux si t'es deux personnes. Pour... OK. ensuite de ça, tiens, tu veux te faire du chocolat chaud? Ben oui, toujours. Toujours à tous les jours, l'hiver surtout, là, ça s'en vient bientôt. À Noël. À Noël? Noël. En écoutant Home Alone. Home Alone! Donc, t'es trop paresseuse pour brasser ton chocolat chaud. Ça, c'est ben clair, oui. Hein? Tu veux t'asseoir, tu veux te mettre les pieds sur le pouf, mais tu veux pas brasser ton chocolat chaud. Il te faut Moo Mixer, qui est une tasse à 12$ en plastique, qui fonctionne par pile et qui a un truc pour brasser au fond du verre de la tasse. Et donc, ça va remplacer la cuillère. Ça coûte 12$. Oui, 12$ pour brasser, tu te trouves une cuillère. Ça n'y a pas de cuillère. Non, mais c'est cool parce que quand tu prends un chocolat chaud, faut que tu laisses ta cuillère dedans parce que tu dois le brasser régulièrement pendant que tu le bois. Vrai. Est-ce que ça brasse comme tout le temps? Tu peux, il y a un bouton. Ah! Oh. Une batterie et un bouton. J'espère que ça brasse pas trop fort, t'es sur le divan, tu pèses dessus. Ben, j'ai toujours voulu du chocolat chaud directement dans la face. Directement. Ensuite, les chats, tu le sais, Stéphanie, t'en as un, j'en ai un, une. Qui moi, aime moi aussi une, soit dit en on a chacun une, chacun on une. On a chacun une chatte. Chacun, vu que c'est masculin, parce que je gagne, vu qu'il y a un gars dans le groupe. Donc, chacun une. Oui. Si on inclut. Donc, les chats aiment les sacs de papier, c'est ce que ça veut dire. Vous pourriez évidemment lancer de l'herbe à chat directement dans un sac brun et le chat très préférable. Mais à la place, si tu veux l'avoir intégré, c'est le Super Cat Catnip Caves. Donc, qui fait la même chose sans le dégât. C'est des sacs uniques qui sont couverts de scratch and sniff, si on veut. Des micro-capsules d'herbe à chat, d'odeur d'herbe à chat, voilà. Donc, ils vont éclater ces bulles-là lorsqu'elles sont frottées, grattées ou attaquées. Et la technologie Nano Burst. Nano Burst. Oui, oui. Dure environ 6 mois et ça vient en emballage de 4. Ah, 6 mois quand même. Pas mais c'est pas toujours une bonne idée. Moi, mon chat, personnellement, ne trippe pas vraiment plus sur ça que sur autre chose. Non, oui. Mais le chat, ma belle-sœur, par contre, trippe beaucoup trop. Et la dernière fois, on avait acheté du. Spray. De l'herbe à chat en spray. Ben, dans le fond, c'était de l'odeur de. Mais il s'est tellement frotté sur le coin du divan qu'il s'est comme tout arraché le poil de l'oreille. Non! Fait que lui, c'est comme trop intense. Fait que c'est pas une bonne idée si c'est comme... Ça dure combien de temps? Tu dis six mois? Fait qu'il va être 6 mois sans arrêt à se frotter la tête là-dessus. Il n'y aura plus de poil sur le corps. Ça va être dégueulasse. Et Thingy dit qu'ils ne sont pas responsables pour le comportement de vos chats. Ça coûte 6$ pour l'emballage de 4. Ils n'en ont plus en ce moment, mais ça devrait revenir en octobre. Ensuite, sur votre téléphone, comme mettons votre iPhone 5, disons, exemple comme ça, vous avez tout le temps de la misère à aller vos écouteurs. Tu sais, les écouteurs, le fil va pendre, là, tu mets en poche, là, ben ça pend dans ton zipper. Bon. Donc, il y a un skin, le Cordly. Pour iPhone, c'est un case, OK? Et t'as un petit labyrinthe dedans. Oh. Et tu snaps ton fil dans le labyrinthe à la longueur que tu veux. C'est génial, ça! Regarde l'image, comment c'est beau. T'en as en rose des écouteurs. Oh, wow. T'as un case bleu, bleu poudre, gris et blanc. Super beau. Est-ce qu'ils en font pour iPod? Je sais pas, Motadine. Parce que je trouve ça vraiment cool. Ils appellent ça le Cordly iPhone Case, peut-être, mais je sais pas. Donc, ça promet de vous débarrasser donc, des fils qui pendouillent et aussi vous allez pouvoir l'ajuster en temps réel sans avoir à vous faire vraiment... à vous casser le biscuit. Donc, le Cordly qui a été créé par Aki Atawiya. Présentement, cherche de l'argent sur Kickstarter. Vous devez donner 15$ pour potentiellement avoir le vôtre lorsqu'ils atteindront leur but. Qui est... Oh, Colin, ça va pas très, très bien. Ah non? 12 backers, 490$ sur 8900. Et il reste 14 jours, donc la moitié du temps est passé. Ça monte pas très, très vite. Mais bon. Pourtant, c'est tellement une bonne idée. Mais hein, puis c'est ça. Si ça avait du succès, peut-être qu'il aurait pu faire un iPod Touch, mais j'imagine que s'il se rend même pas au... Ouais. Dommage. Ensuite, ah, tiens, tu veux sauter à la corde à danser? On va dire que oui. Mettons, mais t'es pas très habile, hein? Non, c'est habile. T'es habile. Ben, fais comme si t'étais pas habile et saute avec une corde à danser qui n'a pas de corde dans le milieu. C'est seulement les poignets. Hein? Et oui, c'est le Jump Snap, une corde à danser sans corde à 35$. Et là, évidemment, l'article sur lequel, dans le fond, que j'ai mis sur assemblagerequis.com rit de ça. Mais quand tu vas sur Amazon, ça dit que ça compte les calories que tu brûles. Tu sais, ça va retracer le nombre de calories que tu as brûlées. C'est ça, de saut que tu as fait et la durée que tu as utilisé la corde par rapport à ton poids et ta grandeur. Ça a été en vedette dans People Magazine et US Weekly, en bien, apparemment, qui en parle en bien. Même Weight Watchers aime ça. Ça a l'air bizarre un peu, je trouve, par contre. Mais dans le fond, c'est un peu... Tu peux sauter à la corde sans t'enfarger dans le fil. C'est ça. Non, mais je trouve ça cool aussi... parce que oui, même si t'es habile, tu vas finir par t'enfarger dedans et ça coupe ton élan. Oui. Donc là, ça coupe pas ton élan. Et en plus, t'as des poids que tu peux insérer dans les poignets. Je dis ça live comme ça. Et t'as un DVD de workout. Fait que tu pourras avoir des poids dans tes... je suis pas dans le bon sens, entre... Bref. Ben oui, ça peut être intéressant. Ça pourrait être cool. J'aime ça. C'est le Jump Snap. Jump Snap. Ensuite, alors ça va être pour toi, Steph. Je sais que t'aimes bien Star Wars. Ouais. Oui. Est-ce que t'aimes te batailler? Tu sais, la bataille de pouces, on voit tout le temps ça, là. T'sais. Ah, mais c'est parce que je suis vraiment pas bonne à ça, par exemple. Parce que j'ai pas un long pouce. Non. Donc, contre à peu près n'importe qui que... contre qui je me bats, mais je me fais... clencher, ouais. Ben, c'est ça. Mais peut-être, justement, dans ce cas-ci, ce ne sera pas nécessaire d'avoir des longs pouces, j'ai l'impression, parce que c'est des bagues Star Wars Lightsaber Thumb Wrestling. Et donc, c'est une petite bague que tu insères sur ton pouce et tu as des cartes dans un livret avec 7 différentes aires de bataille, des 6 différents films, et ça vient avec une paire donc, de mini lightsaber que tu attaches à ton pouce par Velcro, soit Luke, Darth Vader, Yoda aussi, et là-dedans, et justement, de quoi ça a ben, l'air? Moi, s'il n'y a pas R2-D2, ça m'intéresse pas. Là. Je crois pas qu'il y ait R2-D2, par contre. Ben là... Mais regarde comment c'est cool, parce que tu passes tes pouces à travers les pages du livre, et tu as un lightsaber après le pouce. C'est cute. En rouge ou en bleu. C'est en effet n'importe quoi, ça s'appelle du marketing. maintenant, tiens, le chocolat, c'est toujours dadon. Hein? Pas besoin d'être la Saint-Valentin ou l'anniversaire de quelqu'un. Le chocolat, c'est toujours délicieux. Par contre, on veut quelque chose d'un petit peu plus songé et intelligent. Par exemple, avoir à deviner ou à trouver quelle est la forme du chocolat. Et ici, c'est Chocolate Anatomy. Donc, c'est des morceaux, des pièces de votre corps, mais en chocolat. C'est le fun. Hein? Visual Anatomy, ils disent que c'est pour l'Halloween qu'ils ont créé ça. Il y a 20 différents partie de votre corps en chocolat. Vous pouvez par exemple manger un cerveau, un foie, poumon, des os, un crâne, tout ça avec du chocolat au lait et du chocolat blanc. Mais ça arrive déjà fait, là. Ça arrive déjà fait. Donc, t'as une oreille, t'as un cœur. Mais ça aurait été plus cool si on avait pu mouler des... Oui, en effet. Hein, mais bon. Si t'aurais pu mouler ton poumon. Oui. Parce que j'ai déjà vu sur un site où ils vendent des trucs spécialisés où tu peux mouler une certaine partie de ton corps en chocolat. Oui, moi, il me faudrait un chaudron complet. Là. Pour y faire justice. Je vais t'en prendre 3 paquets parce que ça marchera pas, là. Donc voilà plusieurs organes difficiles à identifier par moment. Une boîte de 16 morceaux de chocolat anatomique pour 30,95$. Ensuite, alors ça, c'est juste, c'est niaiseux. Ça servira pas souvent, mais l'idée est vraiment géniale. C'est de pouvoir brancher une ampoule dans le mur, OK? Donc, c'est un adaptateur que tu branches dans le mur avec deux petites pinouches et sort un truc bougeable, donc amovible. Amovible. Bougeable. Parce qu'amovible, c'est qui s'enlève, non? Non, amovible. Amovible, c'est bougeable. Je sais pas, là. Tu me perturbes. Peu importe, mais bon, tu branches l'ampoule là-dedans, tu branches ça dans le mur et ça s'appelle le Satco Plug et Light Adapter. Et puis, ça fonctionne dans n'importe quelle prise de courant avec la plupart des ampoules jusqu'à 100 watts et lumière instantanée, peu importe où vous êtes, sans avoir à avoir une lampe. Mais c'est pas comme une veilleuse. C'est comme une veilleuse. Tu pourrais le brancher sur une prise de courant qui ferme avec la lumière. Là, tu sais, quand tu pèses le. Moi, j'ai ça chez nous, tu peux sur le bouton. Mais oui, mais c'est comme une veilleuse. Je veux dire, pourquoi ça plus qu'une veilleuse? Ouais. Pourquoi ça plus qu'une veilleuse? OK. C'est parce que ma veilleuse, son design est quand même beau. Mais t'auras pas jusqu'à 100 watts sur ta veilleuse. Mais oui, mais c'est une veilleuse. Ouais, pour avoir une grosse lumière, mettons, tu vas dans un shed, là, puis ta shed, elle n'a pas de prise. Dans un shed? Dans la... Non, je m'excuse, vrai. Mais dans une shed, il n'y a même pas d'électricité, OK? Ben, faut que tu t'amènes une lampe de poche. Bon, moi, c'est plus facile de traîner une extension, puis brancher ça dedans, puis faire attention à pas à casser, que de t'amener une lampe de poche. Je sais pas. Non, laisse non, faire. Non. On saute au suivant. Pizza Hut, savais-tu qu'ils ont, où ils ont, dans certains endroits, et où ils vont lancer au Canada un jour, une pizza avec une croûte cheeseburger, avec une vraie boulette et du vrai fromage dedans? C'est Pizza Hut au Japon. Oui, après avoir sorti... Non, excuse-moi. Après avoir offert au Japon, chez Pizza Hut, une croûte avec crevettes tempura et mayonnaise. Ça, j'aime ça. C'est fantastique. Mais ici, au Royaume-Uni, c'est la Cheeseburger Stuffed Crust Pizza avec une croûte... T'as-tu dit ici, au Royaume-Uni? Non, ici, virgule. Donc, ici, dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, au Royaume-Uni. Ici, comme dans... Change de frappe à Alinea. OK. Ici, sur le site Internet, et non ici, physiquement, géographiquement. Oui. OK. Je pensais que tu te pensais au Royaume-Uni, là. Ta conne va commencer à exister. la Cheeseburger Stuffed Crust Pizza. Donc, il y a des poches. Il y a des poches dans la croûte remplies de petites boulettes de viande couvertes de mozzarella. On peut aussi avoir une trempette au ketchup. Et avoir d'autres petites trempettes, d'autres affaires comme ça. Et tu peux aussi rajouter du topping sur tes cheeseburgers parce que les cheeseburgers sont à la vue. Ils sont pas à l'intérieur de la croûte, ils sont juste dans un petit nid de croûte. C'est magnifiquement beau, le nid de croûte. Ben! Ouais. Alors, c'est seulement au Royaume-Uni, ici, bien sûr. Et on sait pas encore quand. Tu veux dire première, non? Ici, c'est fou, premièreradio.com. Hamburger/cheese. /cheese. Belkin qui fabrique maintenant un petit mini clavier. Mais tu sais, mettons, vous avez le clavier Bluetooth pour le Mac de Apple. Oui. Il vous manque le pavé numérique et les touches Home, etc., etc. Donc, Belkin fabrique maintenant juste la portion pavé numérique et petite touche de fonction que tu peux coller à côté de ton MacBook et ça va ressembler étrangement. C'est fait pour aller ensemble. Par contre, ça coûte 60$. Donc, tant qu'à ça, rachète-toi non un deuxième clavier avec fil qui a le pavé numérique. Mais non, mais c'est parce que lui, il est Bluetooth. Bluetooth! Mais non, mais c'est exact. Cool. Oui, c'est cool. C'est bien, mais c'est 60$. Ben, mais tu sais... Si tu t'en sers pour tes impôts, mettons... Mais non, mais... Tu peux en avoir besoin. Non, ça prend ça. Ça devait exister. Okay. Je compte même que ça me surprend que tu m'en parles là. Moi, dans ma tête, ça existait déjà parce que ça allait de soi. Il y en avait de d'autres compagnies, mais qui ne ressemblaient pas autant au clavier d'Apple. Lui, ah, il était exactement d'accord, pareil. D'accord. Ouais. Celui, il y a les touches d'option, alors que d'habitude, c'est juste le pavé numérique. Tu as comme plus de touches. Bref, c'est hot. Ensuite, tu marches dans la ville, tu veux pas avoir l'air de touriste. Tu sais, le touriste, ça cherche, ça sort son GPS, ça sait pas où ça s'en va. La Triposo Travel Belt, une ceinture qu'on connecte par téléphone via un câble. Malheureusement, c'est pas encore Bluetooth. Tu lances l'application, tu lui dis où tu veux aller, tu mets le téléphone dans ta poche en arrière et quand tu commences à marcher, la ceinture va buzzer dans une de quatre directions, te disant où aller de coin en coin jusqu'à ce que tu sois rendu. Wow! Non, mais ça, j'aime ça parce que moi, OK, étant donné que j'ai pas... Malheureusement, j'ai pas de réseau sur mon téléphone. J'ai fermé tout ça parce que j'ai pas envie de payer pour ça. Donc, quand je vais à Montréal, je m'imprime des petites cartes de Google Maps des secteurs où je veux aller. Donc, j'ai tout le temps une carte de Google Maps dans les mains et c'est gênant. Oui. Donc, puis en plus, je me trompe tout le temps. Je suis tout le temps mêlée. Moi, je serais très acheteuse pour ça. Ben, Colin, ça va juste te coûter 50$. Par contre, ils espèrent amasser 10 000$ en ce moment. Donc, c'est encore une fois un Kickstarter. Donc, ça se pourrait que ça se produise pas. Là. Donc, allez voir la page du projet. C'est sur Indiegogo, pardon. Allez voir sur assemblagerequis.com, le lien est là. Puis au pire, en plus, si ça vibre, tu vas peut-être te faire des abdos, comme le ab toner, le ab doer, le ab tonic. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Oui, mais dans quatre directions. Fait que seulement le haut des fesses et le... le bas de grotte vide. C'est ça, ouais. Et on va terminer avec celui-là, tiens. T'as beaucoup les bananes, Steph, c'est classique, oui. Tout le monde connaît ça. Il te faut ce skin pour iPhone 5 en forme de banane.

Monster Hospital de Metric, assemblage requis. Et c'est là-dessus que se termine cette émission du mercredi. Hey, déjà? Ben oui, mais c'est de même. On a juste 2 heures. Ben moi, j'aurais enfilé ça jusqu'à 10 heures. Moi, dans ma tête, on s'en allait pas, là. Ça serait le fun, mais Caroline, c'est pas le cas. Pas le cas. Ou Rigodon. On va te retrouver, toi, la semaine prochaine, mercredi. Ça va être à 8 heures. T'es une semaine sur 2 à 8 heures, l'autre semaine à 9 heures. Ouais, c'est genre. Ça. Je vais prendre la case à Véronique à 8h, puis je vais vous faire la chronique Zone Campus. Et oui, la semaine prochaine. Pour l'instant, on remercie les chroniqueurs de l'émission d'aujourd'hui. Ingrid Arneberg, Véronique Mir, Stéphanie Paradis. Stéphanie Paradis. Oh, Stéphanie. Un sauté, Fanny. Un peu, là. Sauté de poulet asiatique. C'est ça. Okay. On remercie encore une fois pas Jean-Philippe Charbonneau. Ben oui, c'est Guy. Comme toujours. Ben, je sais pas. C'est un co-animateur flottant. Comment? Flottant. Comme ils disent à l'école secondaire, au primaire. Ah, je pensais que c'était volant, tu sais, la personne qui est morte. Ben, ça, on sait pas. En tout cas, si on suit au DG de C'est fou, ça pourrait être... T'as un volant! Mais là, on parle d'un ancien, là. Parce qu'il avait fraudé d'ancien, c'est ça. Ouais, ancien. On fait pas des blagues avec ça, hein? Non, mais on parle pas d'ancien. Reste à l'écoute. Une rediffusion des Précieuses Ridicules avec Myriam. S'en vient Myriam Lortie à 10h tantôt. Ah, ils sont bonnes. À 11h, c'est Dîner de con avec Dany Janvier. Ensuite, à 13h, le début de la nouvelle saison de Connaître Ensemble sur la périnatalité. Ensuite, 14h, le voyage de Céline et la vie en mauve. En rappel, à 16h, je serai de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. On parle de choses très, très geek là-dedans. Ensuite, ça continue à 17h, toujours avec moi et toi cette fois-ci. Hein? Oui, toi. Hein? Toi. Oui, toi. Pour les parleurs à Cifou, édition top 5. En soirée, la nouvelle émission de rap, Rap Fusion, à 19h. Et on continue en rap avec RAP, rétrospective à venir présent, avec Charles Bussier-Hamel à 21h. Voilà. Hey, mais c'est toute une belle programmation, ça. Une journée remplie, ça. Wow. On aime ça. Allez voir Cifou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Merci encore, Steph. Hey, merci, Mathieu, de m'avoir accueilli. Tout plaisir. À demain, tout le monde. Bye. Bye.